À contretemps, c'est à vous en direct. L'association Ralentir pour vivre sur Radio Gemozo, de midi à 13h, un mardi tous les 15 jours, nous sommes à votre écoute pour parler ensemble du syndrome d'épuisement. Bonjour chères auditrices et auditeurs, nous revoici mardi en votre compagnie de midi à 13h. Bonjour Lia. Bonjour Catherine. Voilà, maintenant que je sais comment fonctionne la technique, je me dis mais tu es une fée. Ah écoute, c'est comme ça. Oui, en tous les cas, bravo pour cette technique qui est si bien organisée. Merci. Voilà, alors, je le redis parce que c'est important, vous pouvez nous atteindre au 03 29 62 40 40 ou bien mettre des commentaires sur notre page Facebook qui est Ralentir pour vivre à Beau. Ou bien alors, eh ben, nous contacter sur la page Radio Gemozo ou Gemozo. Vous pouvez le faire de façon anonyme ou en votre nom. On sera toujours ravis de pouvoir relayer ce que vous avez à nous dire. Oui, c'est gentil. Voilà, merci Lia. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler? D'abord, c'est la dernière fois de l'année, puisque oui. Après, ce sera des rediffusions. Petite pause hivernale. Oui, oui, voilà. Nous sommes des tortues. On hiberne. Oui, on se met dans la carapace et on ne bouge plus. Et puis bon, est-ce qu'en décembre, est-ce qu'on doit parler de sujets aussi pointus et aussi des fois délicats? Oui, on vous laisse le temps de vous reposer. C'est ça. Voilà, c'est le thème. Voilà, exactement. Voilà. Donc, de quoi va-t-on parler aujourd'hui, Lia? Eh ben, c'est la question que je vais te poser. Ah ben, c'est gentil, merci. Voilà. C'est moi qui dois répondre. Tout à fait. Oh là là. Alors, nous allons parler de la manie d'évaluation, parce que Ralentir pour vivre dit toujours que l'épuisement, qui est une pression chronique, est dû à 4 facteurs importants qui sont des mauvaises organisations de société. En un, la compétition, ben ça on le comprend. La concurrence exacerbée, ça on le comprend aussi, hein, oui. C'est assez simple à comprendre. Le culte de l'urgence, ben ça aussi on comprend, faites-moi pour hier ce que je vous ai demandé pour demain. Mm-hmm. Mais à chaque fois je reviens avec et la manie d'évaluation. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Hein? Parce qu'on peut dire, ben après tout évaluer, c'est pas si mal, on sait où on en est, ou bon, ça peut être bien pris quand même. Oui, ça dépend comment c'est fait peut-être. Oui, voilà. Alors là, on va partir avec un livre qui s'appelle « La folie évaluation, les nouvelles fabriques de la servitude ». Oula. Voilà, de Alain Abelhauser, Roland Gory et Marie-Jeanne Sauret. Ce livre, ça fait, je dirais, 4-5 ans qu'on l'a dans la bibliothèque de l'association. Je l'avais déjà lu une première fois et je me suis dit, tiens, ce serait bien qu'on en parle parce que en quoi est-ce que l'évaluation est donc une pression? Donc, ils introduisent le bouquin avec un titre qui est assez parlant, qui dit « Le culte du chiffre, la mort de l'humain ». Bon, on peut s'imaginer un peu de quoi ça parle. Ça plante le contexte. Ça plante le contexte, voilà. Et ils parlent d'évaluation pernicieuse. Alors là, j'ai commencé à lire, c'est un livre assez fort et assez difficile à suivre. Seulement, j'ai commencé à lire et ça m'a vraiment passionnée. Alors, l'une des conséquences les plus manifestes de l'évaluation est éminemment paradoxale. L'évaluation s'éveille de vacances ou quoi? Mais vraiment, j'ai besoin de vacances. Allez, vas-y, on t'écoute. Oh là là, je vois les yeux de l'IA. Bon, t'as le droit d'avoir des yeux noirs, hein? Non. Jamais. Bon, je vais vraiment articuler. Allez, vas-y. Donc, l'une des conséquences les plus manifestes de l'évaluation est éminemment paradoxale. L'évaluation ampute d'emblée toute activité à laquelle elle s'attache. Chacun constate dans les faits qu'elle détourne à son profit un temps considérable qui ne peut plus être consacré au travail, qui est le fameux truc qui est évalué. Donc là, l'histoire de l'évaluation, alors ce serait le premier point, ça prend beaucoup de temps. Ok. Donc, de temps de réflexion pour la personne qui est évaluée, de temps pour créer les tabelles d'évaluation, oui, et le temps également pour les compiler et puis en faire quelque chose avec des statistiques. Donc là, on commence à dire, ah d'accord, l'évaluation, c'est en fait une charge supplémentaire. C'est pas faux. C'est pas faux. Moi, je ne le voyais pas comme ça, mais là, je commence à me dire, oui, ça pourrait être effectivement quelque chose de difficile. Donc, ils parlent quand même, le premier effet, donc ils disent que l'évaluation est une perte de productivité qui atteint parfois plus de 20%. Pour les cliniciens, par exemple, qui sont dans les hôpitaux ou dans le secteur de la santé, elle écarte le clinicien de ses patients et le chercheur de ses travaux. Ce qui voudrait dire que c'est une charge supplémentaire qui, en fait, s'enlève dans la faculté de travailler et qui, en fait, prend du temps qui devrait être consacré à quelque chose de plus humain, qui est de s'occuper pour un médecin de son patient, qui est de s'occuper de son élève pour un professeur. Donc, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Et en plus, ça génère des structures nouvelles, des organismes divers qui se greffent sur les institutions, qui a besoin d'experts, toujours plus nombreux. Elle fait appel à des individus de formations diverses pour initier à la logique gestionnaire propre à expérimenter les institutions de la santé. Ce qui voudrait dire, en quelque sorte, que les gens qui font ces expertises ne sont pas du job. Donc, en quelque sorte, qu'ils imaginent le job et qu'ils évaluent sur de l'imagination. Oh là là. Oui, ça devient complexe. Ah oui, ça commence à prendre du temps. Commence à prendre du temps. Voilà. Et alors, en plus, ils nous disent qu'il y a une fiabilité relative. Alors là, j'ai commencé à être intéressée. L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, à l'instar de toutes les instances d'évaluation officielles, n'hésite pas à affirmer qu'elle garantit la fiabilité des procédures et des résultats d'évaluation qu'elle conduit. D'ailleurs, à cette fin, elle met en place d'importants moyens, d'abord des dispositifs permanents d'auto-évaluation. Je ne te dis pas la pression qu'il y a sur chacun, tu dois t'auto-évaluer. On parlait avant dans le judéo-chrétien de faire son acte de conscience le soir pour savoir, mais on en est là. Hein. Ah oui, est-ce que tu as bien travaillé? Est-ce que tu as bien rempli? Est-ce que tu as bien fait les choses? Puis en plus, c'est complètement subjectif parce que si déjà tu es dans un état, ben voilà, si tu es dans un prémisse de burn-out ou complètement dans un burn-out, ton auto-évaluation, déjà, elle va te mettre sous pression, c'est le cas de le dire. Et puis en plus, est-ce qu'elle va vraiment être factuelle ou être. Voilà. Ça dépend. Toute évaluation peut être contestée, eux, ils disent. Hein. par une autre évaluation utilisant une méthodologie différente, ce qui ouvre une controverse. Donc, c'est l'usine à gaz, quoi. Oh là là. Mais c'est la même chose que les statistiques. J'avais une prof en sociologie qui disait « Les statistiques ne sont que comme les statisticiens ont posé les questions. » Bah oui, bien sûr. Donc, en fonction des réponses, on pose les questions et puis, à ce moment-là, on donne des choix qui font orienter la statistique. Bah et oui. L'évaluation, c'est la même chose. Oui. Donc là... On va peut-être s'égayer un peu le cerveau avec bleu, bleu, bleu. Bleu soleil. Bleu soleil. Laisse-moi donc briller plus d'un moment, rêver sans frontières, tracer des chemins que personne n'éclaire. C'est sûr, je n'attendrai pas demain, ici et maintenant. Je me réinvente, le monde m'attend, libre des ombres, libre du temps. Est-ce que tu entends ce doux refrain comme une incantation? Et je dis oh, laisse-moi vivre comme je veux, les pieds dans l'eau. Chères auditrices et auditeurs, nous revoilà à l'antenne. Alors, cette fameuse manie d'évaluation, qu'est-ce qu'elle fait au juste? Et on retombe un peu sur nos pattes. Il parle d'une atteinte au lien social. L'évaluation est par essence ségrégative. Elle produit des classements d'individus. Elle désigne les meilleurs et stigmatise implicitement les autres. Elle instaure une compétition permanente entre les institutions, les équipes, les chercheurs et les professionnels. Elle porte ainsi atteinte au lien social en constituant comme concurrents et rivaux potentiels ceux qui devraient s'éprouver comme solidaires. Donc on rebondit sur nos pattes, la manie d'évaluation, elle mène à la compétition. Ah ben oui. Donc voilà, on parlait de quelque chose de délétère dans la pression sur le long terme. De toute façon, c'est pour ça qu'elle a lieu, c'est pour être dans la performance, j'imagine. Oui. Pour s'améliorer, donc pour performer. Oui, voilà, enfin bref. Et la concurrence. Oui. Donc compétition, concurrence et en plus est attisée par l'évaluation. Donc c'est un peu le serpent qui se mange la queue, c'est-à-dire à quoi servent effectivement ces évaluations. Là, on arrive à voir une chose aussi très intéressante, c'est une interprétation orientée des résultats. Il y a pour les décideurs de bonnes et de mauvaises évaluations. Les premières sont promues au rang de vérité scientifique, les secondes ne sont pas dignes d'être mentionnées. En fonction du produit évalué et des résultats attendus, la même méthodologie sera tour à tour louée ou décriée par les experts. En se parant de la figure de l'évidence, la bonne évaluation gomme le choix politique qui la promeut et qui l'utilise. Elle sert d'alibi à des décisions dont les déterminants sont pour l'essentiel déconnectés celles-ci. Quels sont-ils? L'exemple des psychiatres du Figaro met sur la piste. Celle qui oriente vers les laboratoires pharmaceutiques et qui conduit au-delà de l'industrie à l'économie de marché et à ses rouages. Les tenants de l'idéologie de l'évaluation sont porteurs d'un projet de société. Donc c'est vraiment pour de la production. Mmh. Donc là, on en arrive à l'humain qui devient une machine à produire. Oui. Donc c'est là que ça devient mauvais, l'évaluation. Mmh. Alors on va me dire que c'est bien, chacun s'auto-évalue. Par exemple, aujourd'hui, Lia, je m'auto-évalue. J'ai bégayé au début comme une pauvre fille. Alors là, je m'auto-évalue, oui, j'ai besoin de repos, je pense. Ça doit être ça, Lia. Bah, si on le porte comme ça, ça va, tu vois. Si c'est je m'auto-évalue, j'ai besoin de repos, tout va bien. Si c'est je me flagelle, j'ai fait une mauvaise performance, il faut absolument que je me mette une pression pour pouvoir faire mieux la prochaine fois, je sais pas. Moi non plus, c'est ce que je me dis aussi. Donc, je présente toutes mes excuses à toutes ces auditrices et auditeurs qui m'ont entendu bégayer avant, quoique, peut-être, vous ne l'avez pas remarqué. Ouais. Voilà, alors c'est là-dessus que je suis assez tranquille. Certains en sont conscients, d'autres veulent l'ignorer, que l'évaluation sont porteurs de projets de société. Mais tous refusent publiquement d'en assurer la responsabilité, préférant se camoufler derrière une prétendue objectivité qui n'a, en la circonstance, rien de scientifique. Oui, parce que quand on dit, par exemple, je donne un exemple, j'ai été livrée par un livreur, je ne citerai pas, mais enfin bon, qui, son chauffeur, a été d'un désagréable violent. Pour quelle raison? parce qu'il n'a même pas 30 secondes pour faire ses arrêts et on lui met trop de livraisons dans la journée. Mmh. Alors, l'évaluation, elle est faite sur quoi ? Sur le chauffeur, qui n'a pas été agréable. Oui, mais pour quelle raison n'a-t-il pas été agréable ? Oui, c'est ça. Est-ce qu'on fait l'évaluation de l'organisation du travail ? Non. On fait l'évaluation de l'individu, quoi. Pas de l'organisme pour lequel il travaille, quoi. Oui, et puis l'organisation du travail détermine l'individu. Oui. Parce qu'on dit bien que le burn-out, dans une entreprise qui est bien organisée, ben, on l'évite, ou en tout cas, on le prévient. Parce que c'est quand même, à la base, l'organisation qui fait tout, qui fait l'histoire. Donc, bien que le coût matériel et humain de l'évaluation soit élevé, nul dirigeant, nul acteur politique ne songe à l'évaluer elle-même. Donc oui, on devrait évaluer l'évaluation. J'aime bien ces tautologies, ces serpents qui se mangent la queue. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elle tire sa force du profit politique incommensurable qu'elle génère. Alors, le mot politique, dans la holding américaine dans laquelle j'étais, en quelque sorte, c'est une manière polie de parler de l'économie. D'accord. Voilà, c'est un autre mot. Voilà. C'est un synonyme. Quand on faisait un grand projet, on avait travaillé 2 mois dessus, on s'était sué corps et âme dedans, et on nous disait ça a été refusé politiquement. Non, économiquement. Voilà. C'est. Bah, alors comme ça... quoi, les deux ne sont pas si éloignés, du coup. Oui, voilà, exactement. Politique et économie. Oui. Voilà. Donc, Jacques-Alain Miller souligne à juste titre qu'en matière d'évaluation, l'essentiel n'est pas de produire du chiffre, mais d'obtenir le consentement d'autrui. L'évaluation, affirme-t-il, est une initiation et se transmet comme une initiation. On le voit bien à ceci qu'on tente les gens, au sens de la tentation, de se prêter à l'évaluation en leur disant « une fois que vous serez accrédité, évalué, vous en évaluerez d'autres ». C'est un peu la punition. Initiation, ça me fait penser un peu à bizutage, moi. Oui. C'est un peu spécial, hein, comme. Voilà. Ouais, une initiation, c'est rude. Fort, hein, quand même. C'est rude. Donc, est-ce qu'on voyait l'évaluation avant comme ça ? C'est pour ça que je me suis permis aujourd'hui de pointer sur ce sujet, parce que c'est quand même un sujet qui est ambigu. Oui. Ouais, hein ? Ambigu, c'est-à-dire qu'on dit, mais bon, c'est pas si mal, oui, bon. Et il dit, consentir à être évalué est beaucoup plus important que l'opération d'évaluation elle-même. C'est de la servitude, hein. C'est-à-dire, sois un bon soldat. Est-ce que tu consens à être évalué Ça fait peur, hein, moi. C'est... L'opération, c'est d'obtenir votre consentement à l'opération. Non, mais je vous laisse apprécier. L'évaluation et la recherche méthodique inlassable, extrêmement maligne du consentement de l'autre, l'évalué d'hier et l'évaluateur de demain, tout évalué accrédité est en puissance un évaluateur, l'évalué ayez passé, comme tu dis, c'est du bizutage. Il attend que vous y passiez votre tour, il est naturellement prosélyte. Ben oui, il est lui-même monté cadre et tout parce qu'il était évalué, donc il a passé l'épreuve, l'initiation. Non, mais c'est totalement ça. Hein, hein ? Ouais. Moi, je ne l'avais jamais vu comme ça. C'est un peu... J'ai vraiment découvert. C'est perfide, hein ? Ah oui, c'est perfide. Ouais. C'est très, très perfide. Et en fait, le chapitre suivant soulève un point qui m'a quand même interpellée. Une nouvelle manière de donner des ordres, avec point d'interrogation. Ben oui, parce que l'évaluation, c'est une nouvelle manière de donner des ordres. Vous avez une organisation de travail qui n'est pas bonne, mais vous devez être agréable avec le client. On vous ordonne d'être agréable avec le client, même si en sous-jacent, on vous massacre en dessous parce qu'il y a une organisation extrêmement mauvaise, par exemple. Mmh. C'est un ordre. C'est donc, lui, il parle de langage de machine. Oui. Donc, c'est l'évaluation n'est pas un mot, mais un mot d'ordre. Ça, c'est Jean-Claude Milnet, la politique des choses. D'accord. Donc, l'évaluation serait donc un mot d'ordre. Mmh. On comprendrait mieux pourquoi on parle de pression. Ah bah, bien sûr. Là, on est plus dans le sujet. Il raconte dans l'évaluation, il dit qu'il s'étend aujourd'hui à presque tous les champs d'existence des individus et des populations. Ben oui, comme je vous ai dit, hein, vous achetez un drap, vous devez évaluer s'il est assez doux, si la couleur était jolie, si le paquet était bien ficelé, si vous l'avez reçu en bon moment. Enfin bref, on doit tout évaluer. Mais enfin, quand il s'agit des humains, c'est un petit peu plus complexe. Ah ben oui. Et ce qu'il y a de drôle, c'est que par exemple, vous allez quelque part et on vous dit, moi j'ai été changer mes pneus, hein, et puis oui, bon, on est en plein dans la saison. Et la personne m'a dit, parce que j'ai dit, mais je suis très contente des services. Ouais, alors vous n'oublierez pas hein, de répondre à l'évaluation. Ouais, ouais. Tu vois, c'est pernicieux. Donc, ils savent que c'est la carotte, que c'est ça qui va leur faire avoir des bons points à la fin de l'année. C'est pire qu'à l'école. Oui. C'est pire qu'à l'école. En plus, ça les oblige à temporiser par rapport à la désorganisation possible de leur entreprise. Parce que du coup, si ça se présente mal pour eux dans leur lieu de travail, si par exemple, imagine, ils n'ont pas reçu tes pneus à temps. Et que en fait, bah voilà. Toi t'es pas contente parce que le gars il a pas pu te monter. C'est ça. Mais en fait c'est l'individu qui va être évalué parce que bah voilà il a pas pu te monter les pneus alors qu'en fait c'est l'organisation exactement. Au-delà qui. C'est ça. C'est bien ce que je dis. L'évaluation elle est très subjective. Oui. Elle est pas objective. L'évaluation elle est faite sur l'humain au travail. Mais l'humain il est pas tout seul. Il est pas la marguerite. Elle a bien le champ à côté pour la faire pousser. Donc non mais sérieux. Sûr. Voilà. Alors, il y a une petite histoire que tout le monde connaît peut-être. Alors là, je me permets de la lire parce qu'elle est drôle. C'est un berger qui faisait paître son troupeau. Elle circule sur le net, hein, cette histoire. Au fin fond d'une campagne, quand d'un nuage de poussière surgit une rutilante Range Rover venant dans sa direction. Le chauffeur, un jeune homme dans un complet Armani, chaussures Gucci, lunettes Ray-Ban et cravate Hermès, se penche par la fenêtre et demande au berger... « Si je peux vous dire exactement combien de moutons il y a dans votre troupeau, m'en donnerez-vous un ?» Le berger, bien de la campagne, regarde le jeune homme, puis son troupeau broutant paisiblement et répond simplement « Certainement ». L'homme gare sa voiture, ouvre son ordinateur portable, branche à son téléphone cellulaire, navigue sur Internet, vers la page de la NASA, communique avec un système de navigation par satellite, balaye la région, ouvre une base de données et quelques 30 fichiers Excel aux formules complexes. Finalement, il sort un rapport détaillé d'une dizaine de pages de son imprimante miniaturisée et s'adresse au berger en lui disant « Vous avez exactement 1586 moutons dans votre troupeau ». « C'est exact, dit le berger. Et comme nous l'avions convenu, prenez-en un. » Il regarde le jeune homme faire son choix et expédier sa prise à l'arrière de son véhicule. Puis il ajoute « Si je domine avec précision ce que vous faites comme métier, me rendrez-vous ma bête ?»« Pourquoi pas ?» répond l'autre, très sûr de lui. « Vous êtes expert de la DGSE. DGSE, c'est quoi ? C'est, je sais pas, enfin bref... On peut prendre n'importe quel acronyme. Et vous faites de l'audit et du conseil, dit le berger. Mais vous avez parfaitement raison. Comment avez-vous deviné ? C'est facile, répond le berger. Vous débarquez ici alors que personne ne vous l'a demandé. Vous voulez être payé pour avoir répondu à une question dont je connais déjà la réponse et dont tout le monde se fout. Et manifestement, vous ne connaissez absolument rien à mon métier. Maintenant, rendez-moi mon chien. Donc, elle est pas mal. Donc l'évaluation, c'est ils débarquent sans qu'on leur ait demandé. Ils veulent être payés pour avoir répondu à des questions qu'on connaît parfaitement et dont personne se fout, hein, parce que les évaluations combien restent dans les fonds des tiroirs et on ne regarde même pas ce qu'elles ont donné, hein, des fois, voilà. Et en même temps, ils se trompent complètement sur. Donc j'aime bien cette histoire. Elle est adorable, je trouve. Le mec, il est super canon. Donc voilà. Donc les machines remplacent les chefs en quelque sorte avec l'évaluation. Ben oui, il sort tout son ordinateur, il se branche à la NASA, il fait, il scanne, il regarde. Donc la machine remplace l'être humain. Ah bah là, c'est le reflet total de la société. Hein, si je puis faire un parallèle. Hein. Oui. Les caisses automatiques et tout ça. Quoi. Or que le berger, il y a longtemps qu'il sait qu'il a 1585 moutons et un chien. Hein, pour dire. Non, mais voilà. Et lui, il n'a pas sorti ni ordinateur ni rien. Il le sait parce que c'est son métier. Voilà, c'est son métier, c'est son histoire. Donc, c'est intéressant de voir l'évaluation sous cet angle-là. Ah. C'est bon. Chérie, moi j'ai mérité le repos minimum 100. VHG invite au minimum 6. Minon sur le déco minimum 3. Un minimum 5. Mérité le repos minimum 100. VHG invite au minimum 6. Minon sur le déco minimum 3. un minimum sans tazo. 10 sur 10 c'est la notation. Allez pina cotazo. J'suis numéro 1 sans prétention. Une chérie en vrai, j'ai reçu les contrats. Donc je négocie, t'inquiète, j'ai les contacts pour changer. Je n'ai pas de compte à rendre, j'agis comme si j'avais 2-3 comptes en Suisse. J'suis pas mauvais, j'suis pas mauvais, j'suis pas mauvais, j'suis pas mauvais, j'suis pas mauvais, j'suis pas mauvais, j'suis pas mauvais. J'ai moi j'ai mérité le repos minimum 5. Viens, j'ai un vide au minimum 6. Millions sur le déco minimum 3. Un minimum 5, mérité le repos minimum 5. VH invite au minimum 6. Minons sur le déco minimum 3. Un minimum 5. Bina Cotazo, 10 sur 10 c'est la notation. Allez Bina Cotazo, j'suis numéro 1 sans prétention. Y'en a, tu peux laisser tomber pour ma rage. J'ai dit justice de Dieu, y'en a. Repos bien mérité pour moi. J'suis pas mauvais, j'suis pas mauvais, j'suis pas mauvais, j'suis pas mauvais, j'suis pas mauvais, j'suis pas mauvais. J'ai moi j'ai mérité le repos minimum 5. Viens j'ai un vite au minimum 6. Millions sur le déco minimum 3. Un minimum 5, mérité le repos minimum 5. VH invite au minimum 6. Millions sur le déco minimum 3. Un minimum 5. On y va, c'est. Chers auditrices et auditeurs, minimum 6, minimum 5, minimum 3. Et oui, on compte tout en chiffres. L'être humain se transforme en une caissette de chiffres. Tout à fait. Hein? Est-ce que je peux faire une petite aparté? Oh, avec plaisir. Voilà, sur France Culture, ils viennent de sortir une série qui se nomme Les Tyrannies de l'urgence. Ils ont sorti un épisode sur travail pressé, travail gâché. Quelles sont les conséquences du travail pressé pour les travailleurs et pour la production elle-même? Donc voilà, j'avais envie de faire. Ah, mais c'est très bien. Ouais. Alors, merci beaucoup pour cette information. Parce que ben c'est un des deux autres piliers, l'urgence. Ouais, l'urgence au travail, ouais. L'urgence au travail, qui est d'ailleurs évaluée. Hein? Tout à fait. Est-ce que vous avez répondu à tous les critères, entre autres, faire pour hier, ce que je vous avais demandé pour demain? L'urgence, c'est un stress violent. Tout à fait. Ouais. Alors là, je suis tout à fait d'accord. On parlera peut-être ça à la rentrée. Ben voilà, je te... Ben oui. Mmh. Ouais, le sujet, je le prends. Oui, allez. Oui. Allez, hop, la balle, au filet, ça y est, c'est bon. Alors là, on va parler de l'entretien annuel, c'est un site qui s'appelle Elvo. Bon, ben, je ne sais pas ce que vos sites, mais ils disent comment lutter contre les biais cognitifs lors d'entretiens annuels, parce que ça, ça va arriver, on est en plein dedans. Ah ben oui, là, ça y est. Oui, alors ils disent qu'est-ce que c'est que le biais cognitif, c'est une distorsion dans le traitement cognitif d'une information. Alors, le biais cognitif, ça veut dire que quand on est dans un entretien, c'est notre cerveau qui va peut-être biaiser, pas être en accord. Y a des gens qui ont ce qu'on appelle du stress en entrant dans l'entretien et qui, tout d'un coup, vont faire tout le contraire. C'est comme, on va prendre un autre exemple, c'est comme un rendez-vous amoureux. Mmh. Hein? Un date. Un date, voilà. Oui, non, mais je suis trop vieille pour savoir ça. Merci, Lia. Un date. Eh bien, on sait très bien que, par exemple, les garçons le disent, ils vont parler de tout, du scarabée doré, du machin. Enfin, bref, ils vont être absolument stupides tant qu'ils n'auront pas franchi le côté. Le cap. Je suis acceptée. Ouais. Voilà. Donc, c'est ça le biais cognitif. C'est être un petit peu. Ouais, voilà, dérouté, quoi. Dérouté, voilà. Pendant les audits aussi, hein, ça se passe beaucoup dans les entreprises. Hein. On sait parfaitement comment se déroule notre travail, ce qu'on doit faire, etc. Et puis, le moment où l'audit arrive, on perd nos moyens, en fait. C'est ça, c'est perdre ses moyens, quoi. C'est ça. Ou quand tu prépares un budget, par exemple, c'est le côté, trop de choses en même temps. Ouais, charge mentale. Charge mentale, voilà. Donc, en général, ces biais cognitifs ne sont pas conscients. Un aspect qui n'a pas échappé au secteur de la publicité dans la construction de messages promotionnels rudement efficaces. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la publicité, elle agit sur notre subconscient. Ah bah, bien sûr. D'accord? Donc, elle a bien compris qu'on a un cerveau humain qui a quelquefois des difficultés à enregistrer les choses dans le bon sens. Donc, eux, ils rentrent directement par quelque chose d'inconscient pour pouvoir agir sur le conscient. Tout à fait. C'est comme dans les magasins, en fait. Moi, j'avais appris pendant mes études de vente qu'en fait, ils passaient un certain style de musique pour conditionner le client à être dans l'achat. Oui, voilà. Ouais. Mais dans l'évaluation, on est à peu près dans la même chose. C'est-à-dire qu'on essaye de c'est ce qu'ils disent, de donner indirectement des ordres. Ouais. C'est-à-dire, voilà, vous devez correspondre à ça. On vous pose ces questions parce que, voilà, si vous répondez bien ou mal, c'est là qu'est le problème. C'est vous devez correspondre à cette norme. Normalisation, quoi. Normalisation. Mmh. Mais où est l'humain là-dedans? Ah ben, nulle part. Nulle part. Donc là, il y a quelque chose de difficile. Alors, ils disent, comment les biais cognitifs se manifestent-ils en entreprise? Dans notre travail, les biais cognitifs construisent des idées préconçues et des jugements qui vont parfois à l'encontre de la réalité. Ils nous éloignent de la rationalité exigée par le monde des affaires et nous privent de belles opportunités sans qu'on ne s'en rende compte. C'est particulièrement le cas lors des entretiens annuels qui nécessitent à leur suite une prise de décision sur une éventuelle promotion de mobilité interne, une évolution de carrière, mais également de licenciement. Aïe, aïe, aïe. Parce que l'évaluation, elle sert aussi à ça. Mmh. Hein? Personnellement, il y a 20 ans, quand j'ai eu mon burn-out, j'ai été absente 15 jours, bronchopneumonie, perdu 10 kilos, et l'entreprise dans laquelle j'étais, multinationale américaine, entre nous, ça n'existait pas d'être absent plus de 24 heures. Hein. Ah oui, d'accord. Si on était absent plus de 24 heures, on était mis à la cave en rentrant. Donc, je suis arrivée à 8h30. À 9h30, j'étais convoquée avec mon team, mon manager et mon sous-manager, je ne sais pas comment on appelle ça, les deux. Ton N plus 1, ton plus 1 plus 2. Mon plus 1 plus 2. Et ils ont commencé à dire, on va faire l'évaluation maintenant. Et je leur ai dit, mais attendez, on est en septembre, on l'a fait en décembre. Mmh. Non, mais on l'a fait maintenant. Donc, ils ont épluché absolument tout ce que j'avais fait. Ils ont été chercher une erreur, quand on pense qu'on travaillait 80 heures par semaine sur une année. Mmh. Une erreur qui n'en était pas une, qui était simplement une personne qu'on savait très désagréable en Australie, à qui je n'avais pas accédé à sa demande parce qu'elle était, de toute façon, mon manager était d'accord à ce moment-là, elle n'était pas normale, et qui s'était plainte, et ils ont pris ça à rebours pour me mettre en situation d'échec. Mais c'est horrible. Oui, oui, carrément. Bon, moi, j'ai été, parce qu'on avait, alors, comme toute belle entreprise américaine et holding et autres, on avait un service où on pouvait aller dire quand il y avait du mobbing. Mobbing veut dire être mis à la cave. Hein. Ok. Et donc, j'ai été déclarée le cas au RH. Elles m'ont dit oui, effectivement, c'est un cas pas juste. Mm-hmm. Mais au-delà de ça, c'est tout. Hein. On enregistre. Point. Point barre. Mais t'es quand même mis en difficulté, quoi. En Mais fait, ça, ils s'en foutent. Ouais. Complètement. Bon, enfin, bref. Mm-hmm. Ce qui veut dire que l'évaluation peut être prise dans les deux sens. Donc, elle est d'autant plus stressante parce que ça peut être une promotion. J'entendais dernièrement des personnes qui me confiaient que ça fait plus de 10 ans qu'elles attendent une promotion. Donc, chaque année, elles remettent la sauce. Est-ce que je vais être bien notée pour pouvoir avoir droit à cette promotion ou alors une progression dans mon métier ou un droit de formation ou je ne sais pas quoi. Bah, comme on s'est expliqué là, moi, je trouve qu'il y a aucune valeur positive à l'évaluation, parce qu'en fait, soit l'évaluation a lieu et tu es mis en difficulté parce que t'as pas été dans la, enfin voilà, t'as pas été dans tes capacités ultimes, enfin voilà, t'as pas été normalisé dans ce que tu dois faire, t'as pas été performant, soit tu l'attends et ça te met sous pression parce que tu veux une promotion, mais en même temps, du coup, tu donnes plus, mais en même temps, on est mis à nu et on est catalogué. Je donne un exemple. On peut avoir des réactions qui sont... je donne un exemple un peu caricatural, mais par exemple, on apprend le deuil de quelqu'un et nerveusement, on a une espèce de mi-sanglot, mi-rire. Ouais. C'est truc un peu nerveux. Oui. Hein. Ça arrive. On a tous connu des moments où on a comme ça une réaction qui n'est pas bonne, qui n'est pas adéquate à la situation. Donc, ça peut être aussi dans ces stress d'évaluation des moments où on perd un peu la pédale, quoi. On ne sait plus, quoi. On vient de se rendre compte que ce qu'on a dit avant, c'était contre nous. On pédale, on... Et puis, on fait comme j'ai fait au début, on bégaye. Hein? Donc voilà, mais bon, là je ne suis pas évaluée. Est-ce qu'on me gardera à la rentrée? Mais bien sûr, on te garde. Oh, bon, alors c'est gentil. Oui. Bon, voilà. Tu ne seras ni mis à la cave, ni promu par contre. Ah oh, ben non, mais ça me va très bien. C'est ralentir pour vivre, moi la promotion, non merci. Hein. Ça me va très bien. C'est parfait, c'est la place qui me convient, c'est douillet, c'est chaud et j'y suis bien. Oui. Voilà. Donc là, on va refaire une petite pause musicale et on reprendra sitôt après. Si seulement je pouvais encore te voir et te parler, tu saurais que de toi je n'ai rien oublié. Oh diable, ce silence immense que tu as laissé, il résonne encore en moi tout doucement. Tu as laissé, je me souviens, un mot qui disait je reviens. Mais le temps passait, nous deux me paraissaient loin. Rien n'a changé, ni les jardins, ni les allées que t'aimais bien. Et moi qui t'attends à la porte comme chaque matin. Si seulement je pouvais encore te voir et te parler, je saurais que de toi je n'ai rien oublié. Oh diable, ce silence immense que tu as laissé, il résonne encore en moi tout doucement. Si un peu je t'oublie, dis-moi comment tu vas t'oublier. Si un peu je t'oublie. Si seulement je pouvais encore te voir et te parler, tu saurais que de toi je n'ai rien oublié. Oh diable, ce silence immense que tu as laissé, il résonne encore en moi tout doucement. Si un beau jour tu m'oublies, dis-moi comment tu vas t'oublier. Si un beau jour tu m'oublies. Si un beau jour tu m'oublies, dis-moi comment tu vas t'oublier. Si un beau jour tu m'oublies. Et oui, chères auditrices et auditeurs, nous allons continuer dans cette investigation de la manie d'évaluation. Et là, j'ai un petit... On va prendre un sujet un peu différent. Ensuite, on va parler de l'évaluation des jeunes et des élèves. Mais avant, je voulais vous parler de l'évaluation. Et il parle d'une nouvelle manière de donner des ordres. Il parle des humains transformés en marchandises et en produits financiers, qui a aujourd'hui ses appareils, les différentes agences d'évaluation, ses hommes de main, les experts, et sa philosophie. L'acte de foi repose sur une formule très simple, les hommes ne sont que ce qu'ils sont, ne font ce qu'ils font que parce qu'ils sont mis en concurrence les uns avec les autres et qu'en tant que leur performance ne reçoit sa reconnaissance sociale que par une récompense formellement établie. Ce qui voudrait dire que l'évaluation serait la carotte, ce serait la récompense. Et qu'en fait, ce serait pour titiller la concurrence et la compétition. C'est difficile à comprendre, mais facile à, je dirais, ressentir dans ce qu'on vit au quotidien dans le marché du travail. Et là, il y a cette envie de dire, ben oui, ça accroît la compétition, hein. Un des credos de cette meilleure manière de gouverner la recherche, l'enseignement, le soin repose sur l'idée qu'il faut accroître la compétition des pairs d'une discipline ou d'une activité pour les transformer en concurrents rentables et performants dont l'obsession fondamentale doit devenir la comparaison de leurs produits face à ceux des autres opérateurs du champ. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la santé, c'est grave de parler de concurrence rentable et performante. Parce que dans la santé, on ne va peut-être pas parler à ce niveau-là. Et il termine par « Il ne faut pas nous y tromper, nous sommes en guerre. Non pas une guerre des civilisations, mais une guerre à l'intérieur de la civilisation, dont un des constituants menace matériellement et symboliquement tous les autres. Cette composante que l'on nomme parfois logique du profit. » Donc en fait, l'être humain est mis dans un engrenage, la logique du profit. Ça menace actuellement le travail, la culture, la capacité de penser, le plaisir de jouer, la responsabilité de décider, d'aimer, c'est-à-dire de désirer en vain, bref, ce qui fait œuvre culturelle. L'évaluation est le nom de ce dispositif d'audimat qui fait perdre à chacun des champs de l'existence sociale et politique sa valeur spécifique. Nous sommes aujourd'hui face à une catastrophe culturelle analogue à la catastrophe écologique dont, d'une certaine façon, elle est fait partie. Donc, cette évaluation serait une catastrophe culturelle, parce que la normatisation des êtres humains mis dans le spectre des chiffres ferait qu'ils deviendraient un produit et que tout secteur confondu, y compris la santé et l'éducation, sont menés là-dedans. Donc là, on en vient à ce que je voulais vous parler. J'ai été sur un site qui s'appelle Open Edition Journal et qui parle du stress de l'évaluation scolaire. Un nouveau regard sur un problème ancien. La performance académique qui devient une des préoccupations principales de l'école est mesurée dans la majorité des cas par l'évaluation scolaire. On avait eu un prof au début de l'année qui nous avait parlé qu'il avait désiré ne plus mettre de notes parce qu'il voyait le stress que ça produisait chez ses élèves. Donc, étant une source de jugement permanent, l'évaluation crée du stress chez les élèves et compromet le sentiment du bien-être à l'école. Donc là, on en arrive à un sujet qui est la future génération. C'est quand même important de mettre le point là-dessus. Nous revenons sur la notion de stress d'évaluation pour essayer de mieux comprendre ce phénomène et proposons des pistes permettant de l'étudier et, nous l'espérons, d'améliorer l'environnement du travail. Donc, c'est un problème de définition, effectivement. Donc, l'évaluation, ça pourrait être que chaque élève ressorte ses propres compétences et ses propres talents. Maintenant, ce n'est pas dans ce sens-là qu'est prise l'évaluation. C'est dans le sens, c'est ce que dit, ça circule aussi beaucoup sur le net, si on demandait à un poisson de monter à l'arbre ou à un ours d'aller, non peut-être pas un ours, mais on va dire quel est l'animal qui ne nage pas, un animal d'aller nager, ben on aurait des performances qui ne seraient pas, donc ce ne serait pas dans le cadre de ce qu'ils sont capables. Donc cette évaluation scolaire, elle est peut-être aussi mal axée, c'est-à-dire mal axée avec les produits qu'on doit devenir après l'école. Donc, il y a un impact de stress sur l'évaluation. L'évaluation notée au bulletin génère chez la plupart des élèves un stress qui peut nuire à la validité de l'évaluation. Pour obtenir un réel portrait des forces et des faiblesses d'un élève, il est donc préférable d'effectuer une évaluation diagnostique pour laquelle l'élève sait qu'il n'est pas noté. Donc, c'est peut-être la façon d'aborder cette évaluation qui serait une... je dirais pas solution, mais une sortie qui serait intéressante. Et chez les enfants, c'est extrêmement intéressant de parler des problèmes de stress. Entre autres, ils disent que le stress dérègle la mémoire. Donc ça, on l'a vu aussi dans l'épuisement, la mémoire est beaucoup impactée. Et ça a un double stress qui fait qu'à un moment donné, on n'est plus apte à répondre aux exigences extérieures. Qu'en penses-tu, Lia? Je te vois partie dans la technique avec beaucoup de choses. Tu as un stagiaire là-dedans que tu dois... Donc, on ne va pas le stresser, hein, le stagiaire. On est en train de lui apprendre à faire des choses en même temps. Oui, j'ai vu. Mais c'est très bien. En fait, j'ai tourné en rond dans cette histoire d'évaluation pour en venir à l'évaluation de l'élève parce que on en avait parlé avec ce professeur. Oui. Et c'est vrai qu'au départ, quand on m'avait dit ça, j'avais dit, mais c'est normal, les notes et tout. Et puis après, ça nécessite, je pense, une remise en question. Oui, et puis ils avaient fait vraiment un remaniement sur la notation. Il y a beaucoup d'établissements maintenant où c'est plutôt par rapport aux compétences. Est-ce que c'est acquis en cours d'acquisition ou pas du tout acquis? Il y a eu une remise en forme des notations. Alors, est-ce qu'après, ça changerait véritablement quelque chose? Je ne sais pas. Mais voilà. Non, mais disons, au moins, l'angle de vue change. Ouais, ouais. On n'est plus... Enfin, de mon époque, j'ai 12 sur 20, j'ai la moyenne, j'ai 8 sur 20, j'ai pas la moyenne, en gros. Oui, mais je crois qu'il y a quand même une... Il y a quand même... C'est quand même un peu axé là-dessus, quoi. Oui. Ouais. C'est, ben, il faut être prêt, hein, à rentrer ensuite dans, dans la ratatouille, hein. Ah, ben, on fait de nous des bons petits... Soldats. Voilà, c'est voilà. Ça. C'est ça. Donc là, je pense qu'on a fait le tour de la manie d'évaluation qu'on donne comme étant un sujet de stress et de pression chronique. Là, ça dépasse même, je dirais, ce que j'aurais imaginé, moi. Oui, en lisant ce livre, j'ai été assez interpellée. Parce que je ne voyais pas ça comme un mot d'ordre indirect. Mais c'est vrai que c'est un mot d'ordre indirect. Bah, tout à fait. Hein. Quand on regarde bien. Parce que les cases qui demandent de cocher. Et si, par exemple, moi, j'ai une compétence que les autres n'ont pas, mais qui n'y est pas dans l'évaluation, je fais quoi? De toute façon, on n'est pas du tout dans une société où on met en avant l'individu. Non. On le met, on le pointe, l'individu, dans ses failles, entre guillemets, organisationnelles, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout ça. On a bien compris que c'était le terreau dans lequel il était planté, qui n'était pas fertile. Mais par contre, on ne va pas individualiser les compétences humaines, les valeurs, etc. Ça, non. On pointe, on met en avant l'individu quand ça arrange, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Et l'évaluation est mise sur l'individu, mais pas sur les causes qui ont fait que l'individu réagit comme ça. Voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est un petit peu ambigu. Une petite pause musicale et nous vous dirons au revoir après pour ces vacances. Imagine qu'il n'y ait pas de paradis. C'est facile si tu essaies. Pas d'enfer en dessous de nous. Au-dessus juste le ciel. Imagine tous les gens vivant pour le présent. Ooh, ooh. Imagine qu'il n'y ait aucun pire. Ce n'est pas dur à faire. Rien à tuer pour lequel mourir. Pas de religion aussi. Imagine tous les gens vivant tous en paix. Ouh, ouh. Tu peux dire que je suis rêveuse, mais je ne suis pas la seule. J'espère qu'un jour tu nous rejoindras. Imagine aucune possession. Je me demande si tu peux. Pas d'avidité ou de faim. Une fraternité humaine. Imagine tous les gens se partageant le monde. Ouh, ouh. Tu peux dire que je suis rêveuse, mais je ne suis pas la seule. J'espère qu'un jour tu nous rejoindras et le monde vivra uni. Voilà, sur cette belle touche de Imagine repris en français. Voilà, et en tous les cas, une belle note pour la fin de cette émission. Et je pense sans aucun doute, Lia, que j'ai besoin de repos parce que j'ai rarement pédalé autant dans la choucroute. Tout va bien, ne t'en fais pas. Non, je ne m'en fais pas, mais enfin, je me fais une auto-évaluation non stressante parce que c'est ainsi. Mais par contre, je suis quand même contente d'avoir abordé ce sujet et on abordera le culte de l'urgence à la rentrée. Oui. Parce que c'est important, quand on parle, ralentir pour vivre, défendre ces quatre points qui sont délétères et malsains pour l'individu, oui. La compétition, mais on le comprend, ça facile, hein, la compétition. Oui, oui. Hein? Mais des fois, c'est insidieux quand même. Hein. C'est insidieux. Ouais. Très malsain. Oui, je vais peut-être même dire une petite chose. Sais-tu d'où vient le mot handicap ? Alors non. Parce que tout ça pour les personnes qui ont, admettons, un handicap. Moi, je suis handicapée de l'orthographe, hein, par exemple. Ok. Bon, voilà, ça c'est un handicap. Ok. Mais enfin, chacun peut avoir un handicap. Handicap vient du mot anglais « hand in the cap okay. », la main dans le chapeau. Parce qu'au XVIIe siècle, lors des courses à pied, quand ils devaient partager les gens qui couraient plus vite, et les testait avant, et celui qui courait vraiment trop vite devant tout le monde, il lui faisait courir avec la main dans le chapeau pour lui mettre un handicap. D'accord. Ce qui voudrait dire, c'est ce que m'avait dit notre prof de politique sociale à l'époque en sociologie il y a 20 ans, ce qui voudrait dire que les gens qui ont un handicap seraient-ils meilleurs que les autres ? Ah, c'est la vraie question. Mmh. Donc là, je trouve ça très intéressant. Donc dans la compétition, peut-être que le fait d'être meilleur que les autres ferait que ce serait bien qu'on ralentisse un peu. Sinon, effectivement, on va directement dans le burn-out. Ça, c'est possible. Ah bah ça, c'est sûr. Voilà. La concurrence, c'est un manque de solidarité. Et c'est, je pense, ce qui est le plus toxique. Oui, parce que c'est vraiment dans l'humain, là, en fait. Hein. Oui. Il n'y a pas de déguisement, en fait. Oui. L'évaluation, voilà, c'est déguisé sur des espèces de tableaux, de cases à respecter, etc. Oui. Il y a plein de choses comme ça, mais par contre la compétition, c'est directement quelqu'un qui veut... Non, la concurrence. La concurrence, oui, aussi, ouais. Mais la compétition. La compétition, pour moi, c'est de la concurrence, en fait. Enfin, quelqu'un qui est dans la compétition, il est dans la concurrence, donc voilà. Oui. Et même si peut-être, en fait, si on va au-delà, bah, peut-être que la personne qui est dans la compétition, c'est parce que lui-même, il est pas bien et qu'il veut répondre, etc. Bah, voilà, c'est toujours la même chose. Hein. Oui, besoin de reconnaissance, besoin d'être vu par des pairs, oui. Mais on décide quand même d'écraser l'autre pour... Oui. Ça, c'est dur. Oui, c'est dur. Et puis, en fait, on se demande à quoi ça sert. Parce que je donne un exemple. Ben, au sein de l'association, il y a plusieurs adhérents qui me donnent des coups de main. On a tous une compétence différente, d'accord ? Et un talent différent. En tous les cas, on est tous avec, je dirais, une autre façon et de voir et de faire. Et quand on collabore, là, on a fait la fresque du burn-out à Charmes, c'est merveilleux. Et à Épinal aussi. Mmh. C'était vraiment, et tout le monde a participé, et c'était vraiment riche et joyeux, en fait. C'est ce qu'on se disait avec la personne qui m'accompagne. On disait, mais on sort de la fresque du burn-out qui, normalement, comme on a dit en riant, n'est pas un sujet sexy. « Oh, ce soir, tu viens avec moi à la fresque du burn-out. » En principe, votre copine, elle va vous dire « Non, merci. » Si vous lui dites « Viens, on va à une soirée salsa », là, elle va peut-être dire « Oui. Hein. » Mais la fresque du burn-out. Et pourtant, les personnes qui étaient là sont toutes ressorties avec ce qu'on appelle la banane, le sourire. Cool. Donc, on a passé un super moment. Mmh. Eh bien, c'est aussi le mélange de nos capacités et de nos talents. On a un adhérent qui joue du violon, qui commence toujours nos fresques avec un morceau de violon. Oh, génial. C'est trop bien. Wow. Et donc, tout le monde a des compétences et des capacités différentes. Mmh. Et c'est là que je trouve un peu triste la compétition et la concurrence, parce que ça empêche de construire. Ben, bien sûr. Ça empêche de construire. Et il y a un dicton qui dit « Seul, on va plus loin, mais ensemble, on va... » Non, « Seul, on va plus vite. » Voilà, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Ouais. Et je pense que compétition et concurrence, c'est un peu dommage parce que ça nous empêche d'aller plus loin. Bah bien sûr. Voilà. Puis on va plus vite, mais je pense qu'à un moment donné, on est tellement essoufflé que finalement. Oui. Hein, oui. Ça ralentit. Ça ralentit, ouais. Ralentir pour vivre. Hein. Oui. Et puis, ben, le culte de l'urgence, ça, on attend. Mm. Mais vous savez, je vais quand même pointer là-dessus. La manie d'évaluation, ça fait quand même 15 jours que je prépare l'émission. Oui. D'accord. Habituellement, je tape sur Internet et je regarde les petites vidéos courtes, audio et autres que je peux avoir différentes. Je n'en ai trouvé aucune, mais aucune, qui parle du côté malsain de l'évaluation. Mais oui. Aucune. C'est vraiment ancré dans notre civilisation que c'est bien un bâton avec lequel on se fait taper. Mais j'ai trouvé ça choquant. Oui, oui, oui. Après, il y a des feedbacks qui... Enfin, ouais, ça dépend, en fait, comment c'est amené, et voilà, quels sont les enjeux, etc. Mais ouais, c'est vrai que tu nous as ouvert les yeux sur quelque chose auquel on ne pense pas forcément, quoi. Oui, et vraiment qui est ancré dans notre société. C'est-à-dire qu'on trouve ça bien. Pour qu'il n'y ait aucune audio, aucune vidéo, rien, ni personne qui parle de ce côté malsain. Bah, si déjà ça commence dès l'enfance à l'école, je pense que les gens, tout simplement, ils sont formatés. Ils sont imprégnés de ça, tout simplement. Ouais. C'est exactement, pour moi, personnellement, hein, c'est exactement ce à quoi sert l'école, entre guillemets. Formater les gens, puis à les mettre conditionnés, quoi. Désolé pour ceux qui travaillent dans ces environnements et qui pensent, qu'ont des vocations. Et heureusement, il y a des endroits où ça se passe bien. Il y a des gens pour qui ça se passe bien, bien sûr. On va pas mettre tout le monde dans le même sac. Non. Mais on va dire que d'une façon générale, l'école, c'est quand même plutôt casser l'individualité, justement, puisqu'on nous amène, on est toujours en groupe, amener la compétition, parce qu'on voit bien que les élèves, ils veulent tous être un peu meilleur que les autres, celui qui a des difficultés, il est tout de suite mis de côté, c'est le mouton noir. Enfin, tout ce qu'on retrouve dans le monde de l'entreprise, je pense qu'on pourrait largement pouvoir faire le parallèle dans le monde de scolaire. Et quand je dis que j'ai cherché sur le net, il ne faut pas que vous croyez que j'ai tapé une fois, terminé. Non, j'ai tapé de toutes les manières, formulé de toutes les manières, mais vraiment pour essayer de trouver... Et j'ai pas trouvé un seul article là-dessus. Donc, c'est vraiment quelque chose. La seule chose que je trouve drôle et que je trouve qui est le meilleur article, c'est l'histoire drôle du berger. Et ça, l'histoire du berger, c'est tellement, mais d'époque, quoi. Parce que il y a quelqu'un qui va venir vous évaluer, qui connaît pas votre métier, qui va vous poser des questions, vous faire remplir des cases et qui va analyser ça sans même savoir de quoi il parle. Donc, je pense que c'est ça qu'on doit retenir de l'évaluation. On casse l'humain pour n'en sortir que ce qu'il va pouvoir donner, ce qu'on va pouvoir presser de lui pour le rendement de l'entreprise. C'est ça. Un chiffre. Ouais. Minimum 3, minimum 4, minimum 5. Tout voilà, à fait. C'est ça. Alors, on va se retrouver en février. Ouais. Parce que cette année, c'est assez nouveau. Hibernation. Une hibernation de 2 mois. Eh oui. Ben, c'est bien. Donc, vous aurez des rediffusions. Parce que j'ai réfléchi 8 mois par année, faire le rythme des émissions et des podcasts et des choses. Ouais. C'est bien, seulement avoir comme quelquefois, je suis un petit peu peut-être fatiguée et je ne veux pas, comme la bonne blague qu'on me dit tout le temps, tu ne vas pas être en burn-out, Catherine. C'est la bonne blague. Non, je pose pendant 2 mois. Donc on se retrouvera. En attendant, je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année. Mais oui. Ici aussi à la radio. Merci Catherine. Où on vous écoutera, puisqu'on peut vous écouter partout en streaming. Tout à fait, depuis notre site internet ou l'application gratuite Les Radios Associatives. Voilà. Mm-hmm. On peut vous écouter de par le monde. Mais bien sûr, nous sommes écoutés de par le monde d'ailleurs. Oui. Et on remercie Ralentir pour Vivre, remercie encore beaucoup Radio Guémozo de cet passage à l'antenne. Et l'IA pour sa grande collaboration technique et en même temps d'animatrice. Merci Catherine. Qui me tend la main quand c'est plus difficile, on va dire ça, parce que moi je ne suis pas une professionnelle contrairement à toi. Écoute, chacun ses compétences. Justement. Voilà. Mais moi je te remercie beaucoup Catherine, tu nous fais des programmes de qualité tout au long de l'année. Tu es vraiment une bénévole très investie de par ce que tu proposes pour à contretemps. Il était une fois le burn-out, mais aussi tous les partenariats que tu mets en place pour monter vraiment ce qu'on peut proposer à la radio pour diversifier et puis tous les points administratifs dont vous n'êtes pas au courant, auditeurs, mais voilà, on est noté, nous aussi, on est évalué à la radio et grâce à toi, on espère être. On verra. En tout cas, tu te donnes vraiment beaucoup, tu es une super bénévole. Je vais pleurer. Il faut le dire. Oui. Il faut le dire. Donc, merci beaucoup. Je suis très émuse. Ah. On est ravis en tout cas que tu, oui, que tu sois de en tout cas, de c'est un bonheur de venir ici. Je remercie tout le, toute l'équipe. Merci Catherine. Beaucoup. À bientôt. Bonne hibernation. Chères auditrices et auditeurs. À bientôt. À bientôt.